Bonjour à tous et bienvenue à French Pod. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Amaury. Et moi c'est Christella. Donc aujourd'hui nous avons une leçon avancée concernant la chirurgie esthétique. Un sujet vraiment passionnant et vraiment très à la mode. Ouais, qui est sur toutes les lèvres, c'est le cas de le dire. Qui est vraiment d'actualité, une forme de chirurgie qui a connu une évolution formidable ces dernières années. Exactement, et donc on a pensé que ce serait intéressant d'avoir une leçon avancée dessus. Alors si on écoutait le dialogue, Amaury. C'est d'accord, Christella. C'est parti, on écoute le dialogue ensemble. Au XXe siècle, l'industrie de l'image s'est vraiment développée et de nouveaux standards de beauté se sont diffusés dans la société par le biais du cinéma et des magazines de mode. Les images de femmes belles, jeunes, aux traits fins se sont multipliées, créant par la même occasion chez de nombreuses femmes l'envie d'être et de rester mince et belle. La chirurgie esthétique est apparue et est devenue accessible d'un point de vue financier au grand public. De nombreux cas de patients ayant subi des changements radicaux grâce à la chirurgie esthétique ont défrayé la chronique, suscitant l'intérêt du public pour cette spécialité chirurgicale et popularisant les diverses techniques chirurgicales existantes. Aujourd'hui, près de 200 000 actes de chirurgie esthétique ont lieu chaque année en France. Les plus courants étant le lifting, la rhinoplastie, la liposuction et la pose d'implants mammaires. Les rêves de jeunesse éternelle ne sont en rien nouveaux, mais la chirurgie esthétique donne le sentiment que ce rêve est désormais atteignable. Le lifting est l'une des interventions les plus communes, et l'utilisation de la toxine botulique, ou Botox, s'est largement répandue ces dernières années, surtout dans l'industrie du spectacle. Cette toxine provoque des paralysies musculaires qui durent plusieurs mois et permet ainsi d'éviter momentanément l'apparition de rides à la surface de la peau. Les opérations sont malgré tout de véritables interventions chirurgicales, avec tous leurs inconvénients et leurs risques, notamment des risques d'infection, de complications et surtout le risque d'être déçu par le résultat de l'intervention. C'est pourquoi la propagation de la chirurgie esthétique pose des questions d'ordre éthique. Recourir au scalpel peut-il résoudre les problèmes qu'un patient a par rapport à son apparence? Tous les chirurgiens esthétiques cherchent-ils à savoir si la décision du patient résulte d'une mûre réflexion avant de procéder à une opération? Donc nous revoici. Ouais, c'est un vaste sujet qui soulève de nombreuses questions. Vraiment des questions très intéressantes. Sur lesquelles nous reviendrons d'ailleurs sûrement un peu plus tard. On va commencer par voir de quoi ce monologue parlait. Ouais. Donc en fait, tout commence avec ces fameux nouveaux standards de beauté qui se sont diffusés dans la société. Qui se sont répandus dans la société. Ouais, c'est ça. Par le biais du cinéma et des magazines de mode. Oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est à travers l'industrie du cinéma. Ouais. Et aussi les magazines de mode et la télévision que se sont transmis ces nouveaux standards de beauté. Donc là, cette expression par le biais, c'est ça, ça veut dire à travers. Oui. D'accord. Et donc, ces nouveaux standards de beauté véhiculaient une image d'une nouvelle femme qui avait comme critère d'être... belle, jeune, au trait fin. Et donc tu ajoutes ici au trait fin. Au trait fin, en parlant de son visage en fait, au trait délicat. Vraiment une femme qui a un joli visage. D'accord. Et logiquement, la diffusion de cette image... a créé chez de nombreuses femmes par la même occasion l'envie de ressembler à ce modèle. Voilà, et donc quand on dit ici par la même occasion... c'est en même temps... Oui, par ce fait... En fait, ces nouveaux standards de beauté ont créé par la même occasion l'envie chez de nombreuses femmes de ressembler à ce modèle. D'accord, donc ça veut dire qu'ils ont ainsi créé cette envie de se rapprocher en tout cas de ces critères, de ces nouveaux critères. Et là, révolution. La chirurgie esthétique est apparue. Et pour de nombreuses femmes, ça a été la révélation. Bah, surtout que la chirurgie esthétique est devenue accessible au niveau financier. Ouais. De nos jours, c'est plus seulement réservé aux stars hollywoodiennes. Ouais. Comment ça se fait ça? En fait, c'est parce que... comment on peut voir que ça s'est répandu? Il y a eu des cas de chirurgie esthétique qui ont défrayé la chronique. Ouais. C'est-à-dire dont on a beaucoup parlé parce qu'il était vraiment extraordinaire. Et ils ont créé, ils ont suscité, ils ont entraîné l'intérêt du public pour la chirurgie esthétique. Donc c'est ce qui a popularisé la chirurgie esthétique. C'est ce qui a fait que de plus en plus de gens s'y intéressent. C'est ce qui a fait connaître au grand public les techniques chirurgicales. D'accord. Et même on voit par la suite qu'il y a 200 000 actes de chirurgie esthétique par année en France. Oui. 200 000 actes, mais moi j'aurais jamais dit qu'il y en avait autant. Moi non plus, j'étais vraiment étonnée du nombre d'opérations chirurgicales. Je suis surpris là. Mais alors là, ça prend en compte, j'imagine, toutes les opérations, mais il y a toujours les plus connues, les plus pratiquées. Dont le lifting, c'est-à-dire cette opération de rajeunissement du visage. D'accord. Après, on a aussi la rhinoplastie. Exactement, cette opération pour se faire refaire le nez. Et on a aussi la liposuction et la pose d'implant mammaire, qui est donc l'opération qui consiste à se faire refaire les seins. Exactement. Donc en fait, c'est vrai que maintenant, on a de nouvelles possibilités. Tout ça, ce sont des rêves qui sont atteignables. Qui semblent atteignables, du moins, surtout avec l'apparition de la toxine botulique. Le nom plus commun est le Botox. Exactement. Et qui sert à quoi en fait ? C'est une toxine qui est injectée dans certaines parties du visage. Une toxine ? Oui, elle est injectée dans certaines parties du visage dont on souhaite paralyser les muscles. D'accord. De manière à ce que les rides ne puissent pas apparaître en surface. Et, mais ça, c'est pas une durée indéterminée ? Les effets du Botox ont une durée limitée. Et donc, ça peut avoir des effets ou des conséquences assez importantes. Et oui, c'est vrai qu'il y a des risques d'infection ou de complications. D'accord. Pas tout rose. Non, c'est pas tout rose, justement. Et c'est pour ça que malgré tout, il faut continuer à considérer les opérations de chirurgie esthétique comme de véritables interventions. Au vu des risques dont on vient de parler, je ne te mets pas en doute. Et donc, malgré ces risques, on assiste à une propagation de la chirurgie esthétique. Elle continue à se démocratiser, et à se populariser et se répandre. Mais la décision, en fait, de faire une opération de chirurgie esthétique, il vaut mieux qu'elle résulte d'une mûre réflexion. Il vaut mieux qu'elle soit précédée d'une réflexion approfondie, vraiment qu'on analyse bien les causes et les conséquences, les risques aussi de l'opération. C'est clair, il faut y avoir bien pensé. Oui. Et si nous réécoutions ce dialogue pour approfondir notre réflexion ? C'est parti, Amaury. Au XXe siècle, l'industrie de l'image s'est vraiment développée et de nouveaux standards de beauté se sont diffusés dans la société par le biais du cinéma et des magazines de mode. Les images de femmes belles, jeunes, aux traits fins se sont multipliées, créant par la même occasion chez de nombreuses femmes l'envie d'être et de rester mince et belle. La chirurgie esthétique est apparue et est devenue accessible d'un point de vue financier au grand public. De nombreux cas de patients ayant subi des changements radicaux grâce à la chirurgie esthétique ont défrayé la chronique, suscitant l'intérêt du public pour cette spécialité chirurgicale et popularisant les diverses techniques chirurgicales existantes. Aujourd'hui, près de 200 000 actes de chirurgie esthétique ont lieu chaque année en France, les plus courants étant le lifting, la rhinoplastie, la liposuction et la pose d'implants mammaires. Les rêves de jeunesse éternelle ne sont en rien nouveaux, mais la chirurgie esthétique donne le sentiment que ce rêve est désormais atteignable. Le lifting est l'une des interventions les plus communes, et l'utilisation de la toxine botulique, ou Botox, s'est largement répandue ces dernières années, surtout dans l'industrie du spectacle. Cette toxine provoque des paralysies musculaires qui durent plusieurs mois, et permet ainsi d'éviter momentanément l'apparition de rides à la surface de la peau. Les opérations sont malgré tout de véritables interventions chirurgicales, avec tous leurs inconvénients et leurs risques, notamment des risques d'infection, de complications, et surtout, le risque d'être déçu par le résultat de l'intervention. C'est pourquoi la propagation de la chirurgie esthétique pose des questions d'ordre éthique. Recourir au scalpel peut-il résoudre les problèmes qu'un patient a par rapport à son apparence ? Tous les chirurgiens esthétiques cherchent-ils à savoir si la décision du patient résulte d'une mûre réflexion avant de procéder à une opération ? Donc nous voici de retour. J'aimerais revenir aussi sur la différence entre la chirurgie esthétique et la chirurgie plastique, qui s'adresse, je crois, à des personnes qui ont eu un accident peut-être ou qui ont été blessées, non ? En fait, il y a la chirurgie esthétique qui s'adresse à des personnes qui sont en bonne santé, oui, et qui ont envie de modifier une partie de leur corps pour des raisons purement esthétiques. D'accord, justement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ouais. Et la chirurgie plastique est réparatrice. Elle ne s'adresse pas forcément à des gens qui sont en bonne santé. Elle, d'accord, par contre, elle peut s'adresser par exemple à des grands brûlés, des personnes qui ont eu un accident ou à des enfants qui ont eu des malformations à la naissance, par exemple. Donc elle est essentielle dans la médecine. Tout à fait, vraiment essentielle dans la médecine, et une partie de la chirurgie plastique est la chirurgie esthétique qui, elle, s'adresse à des personnes qui sont en bonne santé et qui veulent juste modifier une partie de leur corps pour des raisons purement esthétiques. D'accord. Et alors, est-ce que la chirurgie esthétique est bien réglementée en France ? Oui, elle est bien réglementée en France. Il faut vérifier que votre chirurgien soit un chirurgien référencé par le Conseil national de l'Ordre des médecins, okay, pour être sûr que ça ne soit pas un charlatan. Et justement, la différence est faite aussi au niveau de l'assurance maladie, vu que la chirurgie plastique et réparatrice est remboursée. D'accord. Mais la chirurgie esthétique, elle n'est pas remboursée, elle n'est pas prise en charge par l'assurance maladie ni par une mutuelle complémentaire. En France. En, ouais, France. Donc il faut bien réfléchir avant de faire ce genre d'opération. En plus, ça coûte tellement cher. En plus. Non mais c'est clair, il faut vraiment bien y réfléchir. Si c'est fait à la va-vite, on va arriver vraiment dans des cas extrêmes. Parce qu'en fait, bon, la chirurgie esthétique, je n'ai rien rien contre. Ce sont des gens qui décident d'apporter une modification à leur corps, c'est leur propriété. Ça ne pose pas problème. Ils n'empiètent pas sur ma liberté personnelle. Je vois pas trop ce que j'ai à leur dire, à part porter un jugement, mais sinon, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que ça me fait un peu peur dans le cas où on arriverait à des situations où les gens ne réfléchissent pas assez avant, que ne se soit pas bien légiféré, et que les chirurgiens qui opèrent le fassent sans scrupule, uniquement pour l'argent. Et tu connais quelqu'un qui a déjà fait de la chirurgie esthétique à Marie ? À ma connaissance, non, alors on me l'a pas dit. D'accord. Moi j'ai déjà une amie qui a fait de la chirurgie esthétique et j'ai pas compris qu'elle l'ait fait parce que je la trouve tellement belle. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment subjectif. Oui, mais après chaque personne a sa propre perception. En tout cas, c'est vraiment un débat intéressant. On espère que vous viendrez sur frenchpod.com tout à pour fait. Laisser vos commentaires, nous dire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà fait, si vous étiez satisfait du résultat ou si vous étiez déçu. Ou si vous comptez le faire. Ça peut être intéressant aussi. On vous dit à très bientôt pour une prochaine leçon avancée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.